Angola man, Cameroon now we come. Any Bamenda man, Cameroon now we come. Any Hausa man, Cameroon now we come. Yo mami de ponga un de repo si cabele cao. Una ringengre po onda bottom bed. Yo papa de ponga un de repo si cabele cao. Una ringengre po onda bottom bed. Yo pikin de ponga un de repo si cabele cao. Una ringengre po onda. Ibrahim Babangida, Maradona of Nigeria. Abenguma Lopito Alabas, c'est la fête. Et nous allons fêter until the end avec le meilleur bassiste of Africa, Nguma Lopito. Nguma, let me dance. Faki Ra, Minister of Zone Ra, Festus Amukwaya. Daniel Gidingwa, Shayengana, Shayengana. Friends in Namibia, I will see you in Katotura, dancing Gondele, même là-bas. Ngondele, Ngondele, Ngondele. Abu Sila, l'ambassadeur de la musique africaine aux États-Unis, Abu Sila. L'entrepreneur Nibobga Ayaba, et l'avocat Nibobga Mbuton. Bafanjiga. Papa Njika Njamu, Chati Sengongbon Bani Me, Bisambu Yini Chiti, Nimbo Jangse, Comme ça, Mr. Kokombio, Le Grand Frère de Dumbu, Ngondele, Ngondele, Ngondele, L'American Sigala Kebila, et Tim Kelly, le gouverneur ivoirien. C'est toujours Nguma Lopito à la base, Rachidi Yekini, le Dogoro National. Man for book. Pass that book to Okwara Jamaica Gate Church. Mathematical, no big by me. We go dance Gondele so then we reach for Sokoto, Lagos, and Abuja. Comme ça, c'est la fête. Esprit Gondele, ici on est coupé en décapa. On Gondele, on Gondele, on Gondele. Fleck Shei. And Samuel Ekundayo, Nigerian All-Stars, Nick Jordan, Ngondele, Ngondele. Et comme d'habitude, nous allons Gondele jusqu'au Ngondele, avec mes camarades de Maxim's Nightclub à Douala. Ngondele, Ngondele, Ngondele. Baminda, Muyuka, Kumba, Mutengene. Malende, Ngondele, Ngondele, Ngondele. C'est toujours Nguma Lopito à la base. C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. Nous allons choper à...